Et vous remarquez, depuis quelques mois, c'est violent. Très violent. Depuis la pandémie. Aujourd'hui, le lundi 6 juillet 2020, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti. Mon kiki. Ah ben oui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Heureusement qu'un bon animateur a quelque chose de préparé, un disque de sous la main. Excusez-moi, Monsieur Gagné. Oui, c'est vous ça? Oui, OK. Moi, je ne l'avais pas, comme vous l'avez dit, sous le... Non, moi, c'était l'aisselle. Laissez-les chanter, là, ça va être déjà beaucoup. Non. On arrête ça comme ça. On est de même. Hey, on est rendu au mois de juillet. Déjà en juillet, je suis heureux à l'heure où je vous parle. Vous m'entendez? Allô, Roger? On va demander si Roger Dupuis m'entend de sa prison natale. OK. Roger, allô? OK, Roger! Roger Dupuis! Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Attention! Bon, ça, c'est une émission ultérieure. Je l'ai faite en direct de 3 bars. Premier bar, c'est, je fais 3h30. Deuxième bar, je fais 20h. Et 6h, c'était des bars. Oui! Alors, M. Grenier, non, comment il s'appelle? Non, remets la cassette! Arrête de cracher sur ton disque, il ne pourra même pas l'écouter. En tout cas, il est demandé. Est-il là? OK, en direct de la prison, hein? Allô? Allô? Bon, hey, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Bon. Ça commence bien l'émission. On est prêt à autant d'extravagance. La preuve, on le laisse sans le délester. On y va encore. Oui! OK, en direct de... Bon, enfin! En direct de sa prison, vous m'entendez? Oui! Bon! Hein? Là, c'est parce qu'on nous a coupé, il fallait parler à... au gardien. Oh! Soundgarden, pas le groupe déchu. ça n'engage que qui? Ça n'engage que quand? très choquant, effectivement. Mais, directement de sa prison? Oui! Bon. Veux-tu sortir? Oui! Tu vas rester en dedans. T'as pêché 3 poissons. Puis sur ton passeport, c'est écrit 1 poisson. En parlant de passeport, en parlant de poisson, j'en étais 1 poisson, moi. À l'heure où je vous parle, je suis à Paris, rencontrer des artistes. Non, vous voulez que je me chante? J'aurais voulu être un artiste. Non, c'est pas le temps. Mais avant d'être là, à Paris, à boire des cocktails, à parler avec des artistes, à serrer des mains, à lécher des pieds, puis hein, bon, à manger de la tourtière, puis de la quoi, de la tout azimut, sous l'aisselle. C'est très bon, ça, c'est cuvé. Mais la dernière fois, je me suis lavé, moi, c'est en 83, lorsque Krajicki a crié. Oui! C'est à ce moment-là que j'ai pris le savon, puisque je croyais que c'était le téléphone. Le téléphone était passablement, monsieur, passablement, pas savoureux, mais mousseux. Et là, j'avais déjà tombé dans le troisième mousseux. Et croyez-moi, ce n'était pas du savonnel, hein, c'était du vrai, du corrosif, du arrache-toi de là, ça va partir la crasse. Et j'étais moi-même à l'origine, lors de mon enfance, appelé la crasse. Non pas parce que je ne me lavais point, madame. Non, madame, restez là. Non, je ne sens pas. Quoique, après, lors de mon adolescence, on m'appelait la moufette. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, racontez-nous. Qu'est-ce que vous avez? Racontez-nous. Oui, merci, monsieur. C'est vous qui faites l'émission. Oui, à l'origine. À l'origine, vous dites souvent à l'origine. Oui, je dis souvent bien des mots, je dis souvent la même chose, je dis souvent... Vous dites souvent, souvent. Souvent, oui. Êtes-vous là pour analyser? Je suis, monsieur! Oui, je sais que vous êtes. Ça aussi, je le dis souvent. Vous le dites très souvent. Ce son-là également. Ça c'est... Vous avez des difficultés à dire une onomatopée! Oui, monsieur. C'est un chien de chieux, ça, là. Mettez-moi ça dans le brasseur. Avant d'être là avec les Français, les Françaises, les chanteurs, les chanteuses, les Québécois, les Québécoises, à Paris, à Pigalle... C'est là que ça se passe à Pigalle. Oh, je suis connu là-bas, là. Toutes les filles de joie me disent « Alors, le mec, t'es revenu dans le coin? On va s'enrichir! » Non, madame, oui, je sais que votre fille voulait me fréquenter après ma sortie, non pas de prison, mais de l'avion. Non, je suis... Madame, ouais, je ne veux pas parler à votre mari, là, mais vous êtes exceptionnelle. Bon, mais je n'ai jamais fréquenté aucune fille de joie dans aucun pays, ni à Paris, ni à Québec, ni à Limoilou. J'ai travaillé, je sais, pendant 26 ans, je les côtoyais, je les rencontrais, elles m'embrassaient. J'étais quand même une victime du système. J'aime ça être une victime du système. Premièrement, tu passes à la télé, à la radio, partout, on te laisse parler, hein, puis les gens... ont une certaine pitié, mais il faut déjà là que tu sois comédien, que tu aies gagné 3-4 Oscars, que tu aies l'air, hein, avoir l'air. Donc, tu te laves plus, tu as les cheveux gras, tu parles, tu essaies d'être confus, oui, mais c'est parce que moi, j'ai travaillé 20 ans, vous savez, madame, au travers, non, j'ai pas d'éducation, mais au travers de la jungle de la ville de Québec, hein. C'est bien beau que nos mères, nos mairesses, nos pompées, nos pépesses, nos souffleuses, nos soufflesses, nos popos, nos pépesses tentent de cacher ce qui est incachable, puisque toujours il restera des clients pour ce genre de jeunes filles qui donnent leur vie et leur sexe et leur boisson et leur drogue. Surtout la drogue, pas le beaucoup du sexe, oui, si tu donnes de l'argent, puis de l'argent, ben, à pigale, mais c'est pas ça l'histoire. Pour être là-bas, j'ai dû prendre ma photo de passeport. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant.

tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi, la porte de mon cœur tendra, saudra, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Tu verras, tout recommencera, tu verras, Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de ce son qui aîné. Tu me verras chérie allumer les clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras. Mais la photo de passeport. Fin avril, je me présente à un endroit où ils prenaient ce genre de cliché. Puis là, c'est pas un cliché de le dire. Hein? Et bon, hein? Ouais. Donc, la dame, elle arrive à dire oui! Ben, c'est à mon tour, c'est un klaxon. Oui! C'est un klaxon. Bonjour, madame. Bonjour. Je viens prendre une photo de passeport. Ah, là, j'ai vu la face tomber. Elle ne se l'est même pas ramassée, donc j'ai vu la double face. Oh, épouvantable! Ne jamais demander de voir le double visage d'un individu que tu la connais, même si tu la connais, évite tout ça! C'est le côté noir, sombre, lugubre. Aucune lumière. Le démon! Là, donc, elle me dit, ben là, on va mettre une lumière, mettre la lumière, descend le rideau. On sentait là-dedans que ça ne lui tentait point de me prendre, de me tirer le portrait, quoique j'ai un visage quand même assez photo. Pas très hygiénique, mais là, je dis, votre appareil ne sautera pas. Sinon, écoutez, j'ai les moyens financiers. Là, j'ai dû montrer mon chéquier. Là, ah, vous avez? Ben oui, j'ai carte A. Puis bon, Ferdinand me chantait, donnez-moi des arts. Puis ça, c'est une autre histoire aussi. Et donc, prenez des photos. Là, elle dit, là, faut que vous placiez vos oreilles devant votre visage et vos cheveux derrière. Là, elle s'imagine que je suis Gilles Vigneault, moi, là. Madame, moi, mes cheveux sont comme ça, ma face est de même. Non. Sinon, ils vont refuser la photo, au passeport, hein. C'est pas québécois, c'est canadien, donc ils sont pointilleux. Mm. Non, mais les gens aiment ça, se faire visser la vis, se faire serrer la couine, se faire dire « tu fais ça, tu fais ça ». Bref, puis avoir de contrôle sur sa vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup du genre humain, quoi. Le peuple québécois en général, même en dehors du peuple québécois, là, ceux qui sont au pourtour, là, les résiduels canadiens, non francophones, bien sûr, s'ils sont résiduels, on les comprend pas. La solitude. La solitude, ça n'existe pas. Oui, au Québec, la solitude, ça existe. Oui, l'ancien, le franco-anglais. En tout cas, c'est pas important. Et donc, je me place les oreilles en avant, les cheveux en arrière, puis là, je chantais « Dididam, dididam, dididam ». Ben, yeah, madame, monsieur, madame, moi, en tout cas, je sais pas qui vous êtes, là, homme ou femme, être vivant devant moi, là, devant mon appareil photo. Anciennement, ici au Québec, on appelait cet appareil-là le nom d'une compagnie qui est presque inexistante, Kodak. On l'appelait Kodak. Hey, amène-toi, amène le Kodak, on va photographier tes dents dans sa piscine. Il tient trois pieds avec des bords et puis il va flotter après. Prends le Kodak. Amène le Super 8, Raymond. Mais le Super 8, ah ouais, fais-moi ça. Mets de la lumière dans la piscine. Électrocute-le. Ah ouais. Le téléphone pleure. Non, c'est une autre chose. Mais je mets mes oreilles en avant, mes cheveux en arrière. Là, il dit, souriez pas, enlevez vos lunettes. Ah, ben, non, elle va me demander de me mettre à poil, moi, là. Je suis pas prêt, puis elle m'intéresse pas, moi, là. C'est pas comme les petites filles de l'autre pharmacie à côté. Ah, pardon, rien. Alors, là, je souris pas, je fais, prends la photo. Elle prend la photo. Elle dit, je vais en prendre une autre, on sait jamais. Prends une autre photo. OK. 3 minutes après, elle m'arrive avec ses clichés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je les regarde. Là, je me dis, voyons donc. Madame, je crois que je ne suis pas vraiment de face. J'ai un profil. Je connais ça. J'ai une formation en cinéma, en photographie. À l'âge de 17 ans, j'avais mon Pentax comme il. Excusez-moi si je fais de la publicité. Pentax comme il. C'est de l'analogique. Pour les initiés, ils vont connaître, ils vont applaudir. Ils risquent de tomber par terre en épilepsie. Puis, comme il. Ouais, comme il. J'en ai eu encore à la maison. Au voleur, je reste à 1734 rue La Rue Beauport. 1734 rue La Rue Beauport. Appartement 17. 8e étage. Vous descendez, OK? Puis vous frappez à la porte de gauche, c'est la police, ça va vous ouvrir la porte. C'est un policier, c'est pas une police, c'est un policier. La police n'est pas là. Le panier à salade est en bas. C'est le titre du premier compact disque d'un groupe de rappeurs sarcellois, Ministère Amer. C'est aussi la question que se posent les CRS toulousains. Ils ont demandé à Charles Pasquale d'interdire la vente au public de ce compact disque. Brigitte, femme de flic, est en particulier la chanson qui a le plus touché les CRS. Elle ne fait effectivement pas dans la dentelle. Dans la dentelle. Les femmes de commissaire veulent avoir le de commissaire demandent à leur mari de ramener chaque soir un lascar dans le lit. Pourquoi tant de haine? C'est un ami de mon fils âgé de 15 ans, lequel m'a révélé l'existence du groupe de rap Ministère Amer. Et notamment une de leurs créations qui est un véritable appel à la haine anti-flic. Hein. Les paroles de cette chanson et son peuple cela ainsi sont sans équivoque. Je m'inquiète formidablement de cette montée de haine, de vulgarité, d'insultes envers la police, donc envers l'État. Les femmes de commissaire veulent avoir le gangster en arabe ou en noir, vissent la plumard. Les femmes de commissaire demandent à leur mari de ramener chaque soir un lascar dans leur lit. Vous avez la crémeuse et vous avez la crémeuse ou l'ordinaire. Je vous conseille la crémeuse. Rita est là. Elle est bien crémeuse. Oh, excuse-moi. Mais là, je regarde les deux clichés. Madame, je suis presque en semi-profil puis ça ne fonctionne pas, mon affaire. Là. Il risque de le refuser. Puis s'il refuse, mon passeport ne sera pas accepté. Puis là, je ne pourrai pas aller à Paris embrasser mes Françaises puis boire mon champagne puis manger mes andouillettes. Surtout manger, puis boire, puis manger. Je m'en vais là juste pour manger. Bon, je fais semblant de faire de la radio, je branche du micro. Les petites questions de la fin. Hein? Si vous étiez... Pardon? Si vous étiez... On comprend pas. Moi, je suis Québécois, hein? Comme une panier de la salade dans la bouche. OK. As-tu fini ta première année, Louis? Oui, j'ai même évalué au QI, là. QI. QI, tu es cuit, mon ami, tu es cuit. Tu n'iras pas là-bas, car ils ne sont pas prêts à recevoir autant de bêtises. Solo. Hey, méchant solo, hein? Les gens veulent encore en entendre. Ils sont tous partis. Mais là, je me dis, voyons donc, là, je paye mon truc, puis je dis à la dame encore, il me semble que c'est un profil, un petit profil. Elle dit, non, puis on ne voit pas les deux oreilles. Allez voir la photo sur le vidéo, là. Prenez le vidéo, allez voir le vidéo, vous allez voir les photos. Hein? Regardez-moi ça, ça n'a pas de bon sens, là, hein? Ça se défile en haut, là, hein? Hein, bon. Et là, j'étais déçu. Là, j'appelle ma filleule Sophie, qui travaille dans une autre compagnie, une compagnie concurrente. J'envoie un télégramme, là. J'aimerais que ce télégramme soit le plus beau télégramme de tous les télégrammes que tu recevras jamais. Il couvre mon télégramme. Tu te mets à pleurer. Aujourd'hui, le lundi, ben il se passe des affaires, il se passe des affaires. Aujourd'hui, le lundi 6 juillet 2020, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Le son sur la chaussée, les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, chanteuse, Déborah Elina, une fille exceptionnelle. J'ai même pas à vous en dire davantage. Elle se divulguera elle-même dans quelques minutes après la chanson de cette demoiselle. Et à partir de maintenant, c'est 100% Déborah Elina, à toi l'artiste. Habillez-vous, tout est normal, même votre courbe est sinusale. Il paraît que j'ai de la veine. Si aimer en vain est une aubaine, j'avoue c'est la chamade dans mon corps qui s'essouffle au moindre effort. Je sais que tu sais que tu m'aimes. Pourtant les bruits du cœur sont réguliers. Il n'y a pas non de souffle, rien à signaler. Les bruits du cœur, les bruits de mon cœur sont réguliers. Une légère fuite, oui, que ton écho a confirmé. Je nous revois et c'est troublant. J'en tremble encore en m'allongeant. Et je râle quand mon esprit s'emballe. Mais prends-moi le pouls, y a pas de mal. Tout est fluide entre nous et d'augure. Dedans ta voix me murmure. Je sais que tu m'aimes. Que les bruits du cœur, les bruits du cœur sont réguliers. Il n'y a pas non de souffle, rien à signaler. Écoute les bruits du cœur, les bruits de mon cœur sont réguliers. Une légère fuite, oui, que ton écho a confirmé. J'ai l'impression que je frissonne. C'est nos pressions qui me résonnent. Nos attentions qui tourbillonnent. Et c'est ma tension qui déraisonne. Au regard de la situation, j'ai toujours des palpitations. On me dit que j'ai l'amant peine. Mes arguments en sont indemnes. Si nos pressentiments nous retiennent. Je sais que tu sais que tu m'aimes. Je sais que tu sais que tu m'aimes. Car les bruits du cœur, Les bruits du cœur sont réguliers. Il n'y a pas d'onde de souffle, rien à signaler. Écoute les bruits du cœur. Les bruits de mon cœur sont réguliers. Une légère fuite, oui. Je sais que tu m'aimes. Les bruits du cœur. Les bruits du cœur sont réguliers. Il n'y a pas d'onde de souffle, rien à signaler. Écoute les bruits du cœur. Les bruits de mon cœur sont réguliers. Une légère fuite, oui. Que ton écho a confirmé. Salut Déborah, ça va? Ça va, on peut faire un bisou. Hein. J'ai vu ça, je me suis dit, ça y est. Eh ben c'est, ouais, ben c'est ma marque de commerce. Je suis un peu partout. Voilà, mais voilà, c'est très descriptif. Hein. On n'a pas besoin de rien dire, tout est là. C'est ça. Ils sont tellement intéressants. Ouais, j'adore. Mais ils ne sont pas sauvages. Ouais. Donc, ils sont très. Ils ne sont pas sauvages. Bon, non. Mais, c'est, mais quand je les place, après ça, je leur fais un petit toilettage. Ah oui. Ben oui, ben là, quand même. L'esthétisme. Hein, le côté esthétique. Du côté esthétique. Et toi, ça va? Ça va, merci. L'été, il fait beau? Ouais, là, trop? Il fait beau. Trop non, chaud? Non, je me plains pas parce que moi, j'aime pas le froid du tout. OK. Non, mais t'as la couleur de peau aussi qui attire le soleil. Ah, un ouais, peu, c'est, un vrai, peu brunard, c'est vrai, là, c'est vrai. Mais déjà, j'ai bronzé. Ah, ouais, OK. Sinon, t'es un peu plus blême. Un peu plus blême. Ouais. Ouais. Alors, est-ce voilà, que c'est ton véritable bien. Prénom, Déborah? Déborah Elina, ouais, c'est mes deux prénoms. C'est véritablement. C'est mes prénoms. Ah, tes prénoms? Oui. OK. C'est quand même explosif et. Ouais. Et florissant. Ah, d'accord. Non, mais tu trouves pas que déjà un prénom aussi. Ouais, on m'a jamais parlé de mes prénoms, donc. Ah, bon. Mais non, mais j'adore. Mais je croyais que c'était ton prénom et ton nom. C'est mes deux prénoms. Ah, mais c'est merveilleux. C'est rempli de musique déjà là, sans même chanter le prénom en disant. Ah, ben super. Ben oui. Ouais. Est-ce que ça fait longtemps que tu t'adonnes à la chanson ou. Oui, je chante depuis longtemps. J'ai commencé à écrire il y a 15 ans, mais c'est vraiment commencé jeune. Et puis j'ai fait le conservatoire. Alors une basse classique. Une basse classique. Ouais. Un instrument, et puis, piano? Piano et guitare. Piano classique? Piano classique, oui, c'est ce qu'on faisait au conservatoire. Oh, oui. Alors, solfège. Et puis après, solfège, j'adore. Alors, tu connais la lecture de, ouais, d'une partition? Je connais la lecture d'une partition. Alors, il n'y a pas de problème? Oui, j'adore. Après, j'utilise pas le piano et la guitare de manière très scolaire. Mmh. Je m'accompagne, ça m'aide à créer. Mais c'est bien quand même d'avoir des racines profondes. Oui, c'est bien. Ah, ça m'aide énormément. Ouais. Ça m'aide énormément. Il en faut. Enfin, après, il en faut. Il y en a qui se débrouillent très, très bien sans. Hein. Mm-hmm. Des autodidactes incroyables. Mm-hmm. Mais c'est pas ton cas. C'est pas mon cas. Mm-hmm. C'est plus mon cas la guitare et le résultat, c'est que je suis pas une super guitariste. Mm-hmm. Mais ça fait plus rockeuse, hein, la guitare. C'est. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'adore le piano. Je pense que je préfère le piano. Avais-tu des inspirations lorsque tu étais petite? Écoutais-tu de la musique populaire, entre guillemets, ou c'était le jazz? J'écoutais de tout. Déjà, j'écoutais la radio. Donc, radio classique ou radio commerciale? Non, la radio commerciale. Donc, tout ce qui pouvait passer. De bon et de pas bon? Ouais. De moins bon? Ouais, alors j'ai pas. Je suis assez éclectique. Hein, donc, après, évidemment, il y a des choses qui touchent davantage, mais finalement, à chaque moment, on peut écouter un genre de musique différent et l'aimer tout autant. Mais oui, j'écoutais beaucoup la radio et j'avais mes petites cassettes. Oui. Genre, dès que quelque chose me plaisait, j'appuyais sur REC. Un Walkman. Les deux boutons REC sur les anciennes. Ben oui, pour enregistrer. REC. C'est ça, les enregistrer. Okay. Et puis sinon, ce qui passait à la maison aussi, mon père écoutait beaucoup la musique noire américaine. James Brown, ouais, Soul. Ouais, beaucoup de choses comme ça. Stevie Wonder. Ouais, absolument. Ouais. Donc, c'était varié et puis j'ai chopé un peu partout. Voilà. Et c'est ce qui t'a nourri un peu avant même que tu te mettes toi-même à écrire ou à vouloir faire des chansons. Salut mon ami. Bonjour. Qu'est-ce qui ferait plaisir? Ferrier, 40, 60 mètres carrés. Et badois vert, badois rouge. Ouais, ça va. Avec une rondelle. Ouais. Une orange, là, s'il vous plaît. Une orange. Merci. Et donc, ouais, c'est... Oui, mais pas seulement un peu, hein, c'est que... Je t'ai ramené mon CD. Okay. Ah, super! Ouais. Mais je la connais, la photo, je la connais. Merci. Non, c'est normal. Merci. Je t'en prie. Alors ça, c'est la première version, donc j'ai collé la pochette de la deuxième version dessus, mais donc il y a un titre en moins, le titre que j'avais fait avec Marc Lavoine, qui n'est pas dessus, puisque ça, c'est la première version, mais je ne l'ai pas ressorti. L'autre, pourquoi tu as deux versions de disques, c'est ça? Oui, il y a celui-ci qui est Les Bruits du cœur, qui était sorti une première fois. Oui. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec Marc Lavoine qui m'a fait une chanson. Et j'ai ressorti l'album à cette occasion. Remasteré? Redigitalisé? Ou la même chose, mais avec une pièce de plus? La même chose avec une pièce de plus. OK. Pourquoi tu as voulu représenter ce disque-là? C'est parce qu'il n'y en avait plus ou il y avait de la demande? Ou pourquoi refaire un autre album, mais avec les mêmes chansons? Parce que j'ai rajouté le titre de Marc Lavoine. Il ne faut pas qu'il soit isolé tout seul. Parce que, voilà, faut pas que le titre parce qu'il soit est arrivé isolé, plus tard. Lui. Il est arrivé plus tard, entre les deux. Et tu l'avais déjà préparé, donc voilà, tu ne pouvais pas. Là, ouais. Oui, il était même en cours de vie, hein, si j'ai envie de dire. Hein. Il y avait déjà deux titres de sortie, puis on a fait ce titre, donc j'avais envie de le rajouter. OK, parce que c'est quand même une chanson que tu voulais proposer. Absolument, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a influencé pour faire un album? Qu'est-ce qui t'a fait prendre la plume ou t'a amené à créer de la musique pour... T'es pas fumeur? Non! Si, mais j'ai pas de clope. Ah, parfait. On est seul. C'est bien ça pour ne pas fumer, pour arrêter de fumer, c'est très sage. Tu n'as pas mis des cigarettes, c'est point. Surtout avec cette chaleur-là. Ah ouais? Moi, tu brûles déjà de l'extérieur, tu ne veux pas brûler à l'intérieur. Ouais, c'est ça, exactement. Mais déjà, si je suis chez moi, au frais, ok. Mais là, non. Et puis je te parle, j'aime pas fumer en même temps que je parle ou que je marche. Ok. Il y a juste Gaspo qui faisait ça. Ouais. Alors, on va revenir à ta musique. Ouais. Comment te dire? C'était vital, en fait. Donc c'est profond. Alors c'est difficile à dire ce qui m'a influencé de faire de la musique déjà. Ça s'explique pas. J'ai envie de dire que c'est une survie, c'est mon refuge. Et puis c'est un appel, une sorte d'appel. Ouais, une sorte d'appel. Mais des deux côtés, hein. C'est-à-dire des deux côtés. C'est-à-dire que moi aussi j'appelle. Oh oui. Alors tu avais un besoin de créer. Oui. Et tu savais pas dans quel sentier, ça aurait pu être des nouvelles, ça pourrait être... Ah non, c'était musique et cinéma, mais alors cinéma, c'était complètement... théâtre, cinéma, mais j'ai jamais écrit de pièces ou tout ça, mais c'est les deux arts qui m'attiraient le plus, on va dire, parce que je regardais beaucoup de peinture, etc., je faisais beaucoup de dessins, mais c'était vraiment les deux là qui m'attiraient le plus. Tu aurais pu être réalisatrice, c'est ce que tu faisais, de cinéma. C'est possible, parce que j'ai fait une école de théâtre, j'ai commencé par ça. Et puis de là, j'ai commencé à écrire mes chansons. C'est à un moment, ça a été plus fort, ça pouvait plus patienter. Et comme je me suis dit que personne n'allait venir me chercher, me prendre par la main pour me dire « Oh, je vais vous faire des chansons », j'ai commencé à les écrire. Et donc, celui-ci, l'album là, « Les bruits du cœur », c'est mon troisième projet, parce que j'en avais fait deux, un EP avant et un album avant, mais qui ne sont jamais sortis. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas suivi dans les maisons de disques, etc. Et tu ne pouvais pas le sortir avec ça de... Ben, c'est ce que j'ai fait avec celui-là, mais avant, c'est-à-dire que la musique évolue tout le temps. Enfin, le fonctionnement en tout cas, et l'industrie de la musique, et la manière de faire. Le sortir seul, le tout premier, bon, déjà j'avais pas trop de contacts. Et puis j'étais aussi un peu plus timide, donc je me cachais. Et la timidité pour moi, la voix, qu'est-ce que tu as fait pour travailler sur toi? Je travaille sur moi. Uniquement? Ouais, mais comment tu fais pour être moins timide? C'est à l'école de la vie. Ben oui, ben voilà. Et donc, le sortir seul, je ne sais même pas si les plateformes existaient. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui font qu'on peut sortir. Mais déjà, il faut trouver les gens avec qui, les musiciens, les équipes avec qui réaliser. Donc tout ça, c'était tellement loin de moi, tellement compliqué, financièrement très difficile. Et surtout que tu n'avais pas de réseau encore, donc c'est en faisant de la musique que tu rencontres des musiciens. Voilà, donc j'ai fait de la scène, enfin j'ai chanté, j'ai fait de la scène tout simplement, et puis ça s'est arrêté là. Alors tes chansons ont vécu sur scène voilà. Avant de se retrouver sur le titre, non? Non, j'ai pas fait d'album. Non, mais c'est ça, mais alors les chansons vivaient sur scène au lieu de se retrouver sur disque. C'est ça. Et ce qu'on a ici, c'est des chansons qui ont vraiment eu une ouverture devant public avant même qu'elles se retrouvent sur une pastille. Lesquelles? Ben, ce que j'ai ici, l'album. Ça n'a rien à voir. Non, je parle du premier. Oh, oui, c'est ouais. Ça. Alors, mais, mais pour celui-ci, là, les bruits du cœur, c'était pas pareil parce okay. Que mon chemin a évolué depuis. Hein? J'ai fait plein de rencontres. Plus le temps passe et plus on se ressemble. Tu prends ta place, on est si bien ensemble. On se fait des signes, toi dans ma consigne, mon ocytocine. musique. Alors les EP t'ont amené un peu à rencontrer des artistes et à t'ouvrir. Ouais, les EP et puis soi aussi, son destin, son chemin, les choix qu'on fait qui vous mènent vers telle personne. Et puis d'autres choix qui vont vous amener vers d'autres personnes, et puis tout se rejoint, et puis à un moment, on est invité là, on fait ci, on crée avec telle personne, et puis... En discutant avec des artistes, ça, voilà, ça convient. Et puis après on rencontre quelqu'un avec qui faire l'album, donc ça se fait en fait assez simplement, Est-ce que c'est la musique qui amène les mots, ou si c'est les mots qui amènent la musique? Dans ton cas? Alors moi, c'est les mots qui amènent la musique, le plus souvent. L'inverse est déjà arrivé, mais... Sûrement, mais bon, après, c'est les mots. Ensuite, tu te places au piano, et sur les textes, ben, tu essayes de broder une chanson qui va envelopper les mots que tu as voulu dire. Voir, en l'écrivant, la musique vient en même temps. OK. Alors, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. La plupart du temps, la musique vient en même temps. OK. Donc, c'est un flot de mots qui amène une musicalité. Oui. Exactement. Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'écrire des chansons, vu que tu en as déjà quelques-unes de placées, non? Non, c'est pas plus difficile. Après, c'est une question... C'est une question de timing. C'est une question d'inspiration, oui. D'être ouvert au moment où l'inspiration est là aussi, de pas passer à côté, d'être à l'écoute. D'être authentique. D'être à l'écoute en permanence de tout, ouais. De la nature, du silence, du bruit, ouais. Des autres. Et puis il faut être là au moment, il faut penser là, c'est là, il ne faut pas... Il ne faut pas remettre ça quand ça t'arrive là, il faut vraiment prendre le crayon, être à côté du piano et se lancer. Oui. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots selon toi? Mais pour toi? C'est les mots qui amènent les idées. Alors ça peut devenir un bouquet, tu sais jamais. Oui, attends. J'essaie de ne pas me mélanger les pinceaux. Ouais, c'est les mots qui amènent les idées, mais une idée part aussi de mots parfois. C'est peut-être une expression. Oui. Par exemple, si on. Voilà, une expression que je vais entendre. Ou, une tournure de hop, phrase. Ça me donne une idée. Oh, bah tiens, j'ai une idée. C'est des mots. Donc, tout est pendant quel sens on prend. Oui. Oh, bah tiens, j'ai une idée. Mais c'est le des mots. C'est le sens aussi. Ouais, c'est la ça. Métaphore que ça. Ouais. Oui, exactement. Donc, je note. Je passe mon temps alors, à noter. T'as un bloc-notes. J'en ai plein. OK. Dans ta sacoche, tu sors, dans le métro, quelque chose. Ouais. Ou tu peux entendre quelque chose. J'ai 2017. J'ai ma liste de 2017. De 2010. Est-ce que tu places ça dans un tiroir ou. Ah non, toujours avec moi. Okay. Souvent, on me demande, mais pourquoi tu as deux sacs? Ben, j'ai mon sac à main et j'ai mon sac à musique. Oh, mon sac à musique? Ah, c'est beau, c'est bien. J'ai mon sac à musique. As-tu beaucoup de mélodies? Avec tous mes carnets, je ne peux pas me déplacer sans. Quand tu relis des anciens textes, est-ce que tu as des brides encore de mots qui te plaisent et qui t'interpellent pour que tu puisses, à un moment donné, la terminer et en faire une chanson? D'anciens textes non terminés, alors? Oui. Oui. Ou des brides, hein? Oui. Des idées lancées sur une feuille. Et parfois, je vais reprendre, mais souvent même. Oui. Souvent même, je vais reprendre dans... Enfin, je ne sais même pas reprendre, c'est que je... C'est là. Tu te lances. J'ai des morceaux, parfois ce n'est pas terminé, c'est là, mais je sais qu'il y a quelque chose à faire, mais je ne peux pas le terminer. C'est là, c'est un bout, et puis plusieurs années après. Mais tu ne provoques rien, tu mets ça de côté, un jour, ça va se révéler. Hop, un jour... Je sais pourquoi je l'écris et ça résonne avec ce que je vis au moment même. Okay. Et tac, ça repart et je rajoute des choses et voilà. Alors tu essaies de mettre en mots ce que tu vis dans... Tu essaies de coller la musique et les chansons à ta réalité? Oui, absolument. Si tu es dans un moment de ta vie amoureuse, donc ça va en parler. Si tu as un déchirement amoureux, tu vas en parler. Si c'est les rencontres, tu vas en parler. C'est ça, t'es comme un polaroid sur... Exactement. C'est ta propre vie. Exactement. C'est une image, c'est une photo à un moment donné. Est-ce que tu sors un peu de toi pour avoir une vision sociétale aussi? Ouais. J'écoute beaucoup, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup et donc ça demande une distance. Ouais. Un recul. Un recul. Qu'est-ce qui te fait prendre le crayon, hormis les phrases que tu entends ou les journaux que tu peux. Les gros titres des journaux? Es-tu sensible à certains thèmes? Il y a un thème quand même récurrent chez tous les artistes, c'est l'amour. Il y a rarement de chansons sans amour dedans. Donc ça, on ne peut pas y échapper. même si ça parle de pizza ou un amour pour un enfant, l'amour pour un homme, l'amour pour la vie, l'amour. Ouais, l'amour. C'est ça, l'amour. Ouais. Et puis ensuite, oui, bien sûr qu'il y a des thèmes. Il y a plein de thèmes qui nous tiennent à cœur, qui apparaissent, qui disparaissent, qui réapparaissent. Et puis certains sont enfouis, mais on sait au fond qu'on a quelque chose à dire et puis un bon jour ça sort. Alors que ça ne pouvait pas sortir quelques années avant. Ouais. Il faut que ce soit mûri. Et ouais, il faut que ce soit prêt. Ouais. Donc tu ne provoques rien. Un bon fruit. Oui, oui, mûr. Un bon fruit mûr. Prêt à être mangé. Ouais. Mais, si, mais c'est ça, si tu le présentes avant, ce sera pas, ça ne sera pas terminé. Si c'est trop tôt, ça risque d'être avorté. Donc, ou ça risque d'être moins cru. Et puis, je me dis, je me force, parce qu'il faut aussi se forcer parfois. Ah oui, pourquoi? Parce qu'un album n'est pas sorti. Il n'y a pas à se faire tout seul. Oui, oui, oui. Non, mais des fois, c'est l'inspiration qui... Tout se mélange, tout s'embrouille. Ouais, tout, ouais. Ouais. Okay. Il faut vraiment que... C'est vraiment multi... Multifonction. Ouais, il y a plein de facteurs différents. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut que toi, tu sois bien à ce moment-là. Il faut que le temps soit là au bon moment. Il faut que ton esprit, il faut que... Écris-tu mieux quand tu es triste ou quand tu es joyeux? Les astres soient bien alignés. Les astres, exactement. Et puis aussi, je permets au... ce qui se passe au quotidien. Oui. Hein? Ce qui se passe au quotidien, dans les journaux, dans l'ambiance générale. Il faut que ce soit là, que ça corresponde aussi à un état. Depuis que tu écris, tu sens que tu as une signature ou si tu essayes de changer de style pour... Non, j'ai l'impression que j'en ai une. Alors, on parle bien d'écriture, hein, pas de la musique. Après, on évolue. J'ai le sentiment d'évoluer. Après, pour toi et le public, c'est difficile de voir l'évolution puisque un seul album est sorti. Mais moi, j'ai le sentiment d'évoluer. Et d'ailleurs, là, je prépare un autre album. Ouais. Et qui est pareil, ça évolue. Musicalement, ça évolue. Là, ça va être bien différent. J'en dis pas plus, mais ouais. Différent dans quel sens? Plus jazzé? Ouais. Ouais. Ah, bravo! Ouais. Du premier coup. Et puis les mots évoluent aussi, mais il y a quand même une patte, il y a quand même ma façon d'écrire qui est là et qu'on reconnaît. Enfin, c'est ce qu'on me dit. En venant du classique, le jazz, on n'est pas loin là. Hein. C'est pour ça que c'est pas si compliqué. Ouais. Est-ce que sur scène, tu aimes bien, lorsque tu es seul au piano, improviser? Tu es très rigide, très carré dans tes... Oh non! J'ai pas fait de scène au piano, à la guitare oui. Ok. Mais j'ai peu fait de Pourquoi scène tu prends pas le piano? Piano. Mais je vais le prendre là. Ok. Parce que pareil, c'est des périodes. C'est des périodes. J'ai eu envie de guitare quand je suis revenue, parce que j'ai fait un break quand même pendant 2 ans. Pourquoi? Entre le P et le. Parce que j'avais rien à dire. En fait, je fais pas. J'écris pas pour écrire. Je sais pas écrire à la demande. Je fais pas des chansons pour faire des chansons. Je suis pas en super production, j'ai vraiment besoin de me nourrir et de vivre pour avoir de nouvelles choses à raconter. Si c'est pour dire toujours la même chose de façon différente, j'apporte rien à personne. Il n'y a pas d'intérêt. Non. Alors j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi, pour mieux le redonner ensuite. Et donc il y a eu cette période de 2 ans qui était nécessaire. Justement, ces 2 ans-là, tu t'es ressourcé, tu es parti voyager ou tu as travaillé tout simplement pour gagner un peu de l'argent? J'ai travaillé. D'argent, ouais. J'ai travaillé et je me suis occupée de mes enfants. Oui. Et voilà, et j'ai travaillé à l'hôpital. Okay. J'ai vraiment fait complètement autre chose. Tu es infirmière? Non, non. Okay. Mais j'ai été assistante médicale, j'assistais les médecins en cancéro. Okay. J'avais vraiment besoin d'aller par là. D'être au plus proche des gens qui en avaient besoin. Et de me donner à eux de cette manière-là, et non pas par l'écriture, mais d'être vraiment proche dans d'eux. Dans un autre sphère. Complètement. Qui t'a enrichi, donc c'est pour ça que tu es revenu au crayon en ayant vraiment... Mais oui, parce que c'est comme ça que j'ai écrit Les Bruits du cœur. C'est en travaillant là-bas. main, laquelle de nous deux est ta dame, ta déesse, laquelle est-ce la carte maîtresse, l'amour, quelle histoire, un bizarre jeu de hasard, l'amour, quelle histoire, un cruel jeu de hasard. Sur ce trône, cette reine sans couronne, est-ce mon cœur cartonné sous tes doigts que je vois flamber? Suis-je la dame, la déesse, laquelle est-ce la carte maîtresse? L'amour, quelle histoire, un bizarre jeu de hasard. L'amour, quelle histoire, un cruel jeu de hasard. Si je perds quand tu joues, je quitte la table, abandonne, je pars à l'amiable. C'est ta dame, ta déesse, je lui laisse la carte maîtresse. L'amour, quelle histoire, un bizarre jeu de hasard. L'amour, quelle histoire, un cruel jeu de hasard. D'un coup, les bruits du cœur, qui est un vrai terme médical. Ok. Ouais. Ah ouais. Et qui veut dire? Alors, les bruits du cœur, c'est les bruits qu'on entend, ouais, qu'on entend au stéthoscope. Ah, les palpitations du cœur. Ouais. Okay. Et ça parle. Les bruits du cœur sont différents pour chacun. Ah bon? Au stéthoscope, on entend des choses. Nous avons une orchestration de... différente. Ouais. Toi, tu as une orchestration, moi j'en ai une. C'est ça. Il y a du souffle, parfois il y a du souffle. Ah oui? Ouais, parfois il y a du souffle. S'il y a un souffle au cœur, il faut quand même pas s'en inquiéter, mais aller voir si c'est pas grave. Okay. Ou si il vaut mieux quand même surveiller. Un souffle au cœur, parfois il y a des. On entend aussi des bruits au poumon. Donc tout ça a des termes différents et c'est très joli. Et selon. Ah, c'est vrai, c'est très poétique. Oui, c'est très poétique. Et en France, quand les médecins, quand ils écrivent, ils écrivent BDC. OK. Parce qu'ils écrivent rapidement. Oui. Et puis ensuite, on traduit tout ça, et c'est les bruits du cœur. Effectivement, c'est très, très poétique, et c'est en effet une chanson, et c'était le début de l'album. Oh. Et quand c'est arrivé, j'ai su que ça y est, ça revenait, que c'était reparti. Et ça t'a pris ça vraiment pour cheminer, pour voir autrement la vie, et pour pouvoir t'aiguiller d'une autre façon. Mais c'était nécessaire, je n'aurais pas fait ça, je n'aurais pas écrit. Hein. Mais lorsque tu montes sur scène, les échos que tu reçois du public, c'est quand même assez... Merci. Est-ce que lorsque tu chantes sur scène et que tu as des échos, c'est quand même assez flatteur, parce que ça veut dire que tu as touché des gens, tu t'es intéressé à... Ouais, j'ai de la chance parce que j'ai que des jolis papiers. Alors, j'en ai pas énormément, mais à chaque fois qu'il y a un papier, c'est des très jolis papiers, des mots très profonds, très touchants, très sincères. Et on me voit après, qu'on me dit aussi après les concerts. Que ce soit des artistes ou le public ou les personnes qui ont organisé les concerts. Et alors je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais je me dis c'est tellement fort que ça remplit comme si j'en faisais énormément. Donc le public aussi te nourrit lorsqu'on vient te voir et on te dit hey, écoute, cette chanson-là là, m'a vraiment touché parce que ça me raconte un peu. Donc t'es surprise de voir comment une chanson peut être accueillie par le public, par les individus, les spectateurs. En même temps, ce qui me surprend toujours, c'est de voir d'avoir une salle très silencieuse. C'est-à-dire que même dans les endroits où, qui font restauration, avec des belles scènes, hein, je dis pas. Mais qui font restauration, ouais, les gens ne mangent plus. J'entends plus un bruit de couvert. Ah, c'est bon, ouais. Mais ça, c'est très, très, très fort. Ça me fait vraiment quelque chose de toujours. Très fort, il me faut du temps pour m'en mettre presque, parce que ah c'est. Ouais. Ben, ça s'arrête de manger. En plus, manger, c'est quand même quelque chose de fort déjà. Ouais, ouais, festif manger, un peu. Quand, mais... faut pas me déranger, moi, quand je mange. Ouais, ouais. Ouais, mais en même temps, si bon, là, c'est pour. Être agrémenté. Oui, bien sûr, mais bon, parfois il y en a qui vont manger, et parfois vont manger, bon, écouter un peu de musique en même temps, mais de là du coup à s'arrêter et écouter vraiment sans faire un bruit. Alors ça veut dire que tu as fait mouche. Ça veut dire que tu as fait mouche. Oui, ça veut dire qu'ils sont touchés, qu'ils m'écoutent, les mots. Et, ouais. Et que les mots ont été bien placés sur la musique et que tu as bien travaillé ta chanson. C'est ça le cadeau. Ouais, c'est ça le cadeau. Il ne faut pas attendre la grande gloire. La gloire vient de là. Hein. C'est des petites gloires qui font que ça te touche au cœur. Et c'est peut-être plus important que de passer à la télévision. Souvent. Oui. Le bouche à oreille est tellement plus fort. Quand tu séduis quelqu'un par ta musique et que l'autre en parle, on va aller la voir, je l'ai vu, je l'ai entendu chanter. Allons-y, donc c'est la transmission aussi. Des autres vers toi. Ouais. Et l'offre de la profession valide, ce que tu fais, c'est aussi un autre cadeau. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est un cadeau. C'est une belle, c'est un cadeau, c'est une reconnaissance. C'est aussi pour soi un accomplissement, se dire qu'on a fait les bons choix au bon moment. Et de se dire qu'on n'a pas arrêté, qu'on est persévérant, que ça peut dépasser. Ça peut dépasser tous les moments difficiles. Finalement, on sait pourquoi. Au niveau narratif, dans le deuxième album, on ne comptera pas les EP, on va uniquement prendre en considération les deux disques, là, celui que tu m'as remis et l'autre que tu prépares. Est-ce que tu vois au niveau de la narration un fil conducteur, quelque chose qui touche le premier album? Ou si tu veux te diriger dans une autre façon de raconter? De raconter? Ah, pas les thèmes, au niveau des thèmes. Oui, exactement, oui. Ou de l'écriture aussi. Non, l'écriture. L'écriture évolue toujours un peu, hein, je me rends compte. Mais je réfléchis, il y a toujours, évidemment, ça tourne toujours autour de l'amour. Mais c'est différent. Je n'ai pas cherché à garder un fil conducteur. J'ai même plutôt voulu m'éloigner. Pour ne pas faire de la redite sur le premier, c'est ça? Pour pas faire. Oui, et puis j'avais vraiment envie d'autre chose, en fait. Donc je réfléchis en même temps, hein, au premier, au second. Qui est de toute façon en cours. Depuis combien de temps? J'ai commencé à écrire entre Noël et le jour de l'an. Là. OK. Au moment festif? Oui, c'est ça. À des moments festifs. Pourquoi ces moments-là? Quand tout le monde se réjouit, toi, tu t'en vas dans ton univers et tu essaies de te cracher le cœur. C'est comme ça. Parce surtout que avec des enfants, tous les enfants. Les enfants sont animés. Non, mais je les maman ai, et... je les ai envoyés. OK. Ah oui. Je les ai envoyés, en famille. OK. Pour être seul. Pour être seul une semaine. J'avais besoin à ce moment-là. Être seul avec les mots. Oui. Et avec toi. Oui, c'était vraiment le moment. Il y avait quelques thèmes, dont un particulièrement, qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et c'était le moment où ça devait sortir. Donc j'ai essayé et j'ai réussi à la faire à ce moment-là. Et ensuite... Parole musique. C'était la première chanson. Ouais. Donc voilà, c'était un beau moment pour commencer. Et puis... non, c'est différent. Ça tourne toujours autour de moi, mais du voyage aussi. OK. Voilà, Le voyage physique ou le... voyage intellectuel. Les deux. OK. C'est pas dit dans la chanson, donc on peut. Les deux, le voyage, partir. Oui, exactement. Si c'est pas dit, mais de toute façon, les deux se rejoignent. Ouais. Mais tu veux pas non plus être trop précise, hein? Tu veux laisser des gens essayer de comprendre ce qu'ils veulent bien c'est comprendre. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ben, j'ai lu quelques textes et il n'y a rien de clair. Tout est. Ben, c'est vrai, c'est comme un paysage. Tout est à. à faire selon l'acquis de la personne, selon le vécu de... J'ai l'impression que si j'étais peintre, j'aurais été dans la période d'impressionnisme. Puis presque abstrait, même, une œuvre abstraite. Alors abstrait, peut-être pas. OK. Bien que j'aime l'abstrait, hein. J'adore aussi, qui n'est pas du tout impressionniste, Kandinsky. Ah oui, oui. J'aime énormément Kandinsky. Ouais. Mais j'ai le sentiment pourtant d'être une chanteuse impressionniste. OK. Comme les chanteuses des années 20. Oui, c'est-à-dire que c'est pas... Effectivement, comme tu dis, les mots sont... Tout, c'est pas clair, non, rien n'est clair, pas, comme non. Ça, comme on peut se parler là. Oh, bon, ouais. Ben, voilà, il y a une jeune femme qui passe avec une robe rouge. Mais c'est parce que j'écris pas comme ça, tout est imagé, tout est... Pour se l'imaginer nous-mêmes. Ben, j'espère que je perds pas trop les gens, mais bon, on me dit pas non, que... Ouais. Non, au contraire, tu peux réécouter la chanson à des moments différents de ta vie et tu vas comprendre autre chose. Exactement, ben, oui. Ça c'est beau. Et j'adore, moi, ça, quand il se passe ça avec d'autres artistes. Ben, oui. Quand tout d'un coup, j'écoute une chanson et je... Et ce qu'elle a dit à ce moment-là, qu'il pouvait ne pas me parler quelques années avant ou des quelques mois avant, tout d'un coup, ça prend sens et je trouve ça tellement fin et tellement subtil. Ouais. C'est éclairant. Et, et en fait, ça, j'adore. Je me dis, pourtant, moi, j'adore avoir, mettre du sens en tout. Et je pense que justement, ça, la musique... c'est ton côté cartésien. Ouais, c'est mon côté cartésien. Mais j'adore mettre du sens en tout, que tout fasse sens. Et c'est pas bien, enfin, c'est pas forcément bien. Il faut aussi lâcher prise, avoir une part d'imaginaire. Et je pense que la musique... En musique, c'est ce qui me permet de faire ça, c'est de ne pas avoir du sens partout, de laisser à chacun son rythme. Comme dans la vie, en fait, je trouve qu'on est trop tous obligés de suivre un rythme, et ensuite ça passe, et perd un autre, et un autre, et un autre, et on n'a pas le temps de se laisser aller. Et j'aime qu'à travers mes chansons, le public, les gens puissent entendre ce qu'ils veulent quand ils veulent, revenir entendre autre chose et découvrir, en fait. Ouais. Et chacun a son rythme et chacun selon son vécu, que ça puisse être le plus large possible. Alors évidemment après, l'idée c'est de pas les de perdre non plus et non, de faire de l'abstrait. Oh, ok, ouais. Je me suis égarée, je suis coincée dans ma bagnole à bagnoler. L'aplomb, l'essence désorientée. Écroué au sol, j'ai perdu la clé. C'est pas le Pérou, près du périph. Mais j'ai ma guitare et mes riffs. C'est pas Pierre qui roule, ni cabriolet. Moi sous mon capot, c'est compo, c'est compté. 3, 4, et puis ça sonne, ça swing, ça cartonne. Ma Martine résonne, comme une Aston. Ça m'étonne, même les sirènes chantonnent. Ma Martine détonne comme une Aston. Pour m'évader, j'ai révisé. Attaché la sangle, sécurité. Brancher les câbles à la radio et à l'allume-cigario. J'ai changé les cordes métalliques de ma voiture acoustique et chargé encore la batterie épique de ma guitare gimmick électrique. 3, 4, et puis ça sonne, ça swing, ça cartonne. Ma Martine résonne comme une Aston. Ça m'étonne, même les sirènes chantonnent. Ma Martine détonne comme une Aston. Et puis ça sonne, ça swing, ça cartonne. Ma Martine résonne comme une Aston. Ça m'étonne, même les sirènes chantonnent. Ma Martine détonne comme une Aston. Je me sens bien calée dans mon auto. C'est mon argot, mon fardeau, mon paquebot. Je m'en fous, ça sonne, ça swing, ça cartonne. Ma Martine résonne comme une Aston. Ça m'étonne, même les sirènes chantonnent. Ma Martine détonne comme une Aston. Et Et puis ça sonne, ça signe, ça cartonne. Ma Martine résonne comme une Aston. Ça m'étonne, même les sirènes chantonnent. Ma Martine détonne comme une Aston. Pour dire ce que j'espère, pas le moindre, pas un seul dans mon vocabulaire. J'ai beau les essayer, aucun ne fait l'affaire. Je ne sais que lancer des mélodies dans l'air. Des mélodies dans l'air. Pas de mots pour exprimer en clair. S'il suffisait d'un flot, d'écouter la rivière, le silence du vent, d'une étoile éphémère. Je ne sais que lancer des mélodies dans l'air. Des mélodies dans l'air. Traverser l'océan, faire le tour de la terre. Comment mettre en bouteille la beauté du mystère. Expliquer la montagne, le ciel et la lumière. Je ne sais que lancer des mélodies dans l'air. Des mélodies dans l'air. Personnages, on peut se reconnaître facilement. Donc, c'est pour ça que tu laisses libre cours à un imaginaire à travers des écrits, oui, tout bien précis, mais quand même un peu vaporeux. Oui. Et la musique aussi en découle de cette évaporation-là. Oui, complètement. Quelquefois, lorsque tu fais la musique, est-ce qu'il y a quelques mots qui ne tiennent plus et tu dois modifier un peu la... Oui, bien sûr. Donc, je dois modifier les mots. Parfois, c'est la musique qui doit se modifier. Okay. Ça dépend. Je le ressens. C'est impossible de changer ce mot-là. Si c'est un mot auquel je tiens vraiment, ça veut dire que c'est pas la bonne mélodie. Okay. Et donc, la mélodie va changer. Après, par contre, faire attention aussi au nombre de pieds. Il ne faut pas non plus que ça dépasse, mais il y a quelque chose à changer. Donc voilà, tout est mouvant en permanence. Il y a quelque chose à changer. Et à l'inverse, selon la mélodie, ça ne va pas du tout avec le mot. Et de toute façon, quand ça bloque, c'est que ce n'est pas ça. Donc même si quelque chose me plaît... C'est un signe. Ouais, si ça bloque, je me dis, si ça bloque, c'est que ce n'est pas ça. C'est comme un dessin. Ça m'est venu du dessin. Des dessins très pointilleux, presque arrivés à la fin, je ne sais pas. Et je fais une grosse connerie sur le dessin. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, là, tout d'un coup, surcharge d'émotions. Suspension. Et en fait, en relâchant, j'arrive toujours à rattraper. Et à faire, c'est autre chose. Mais finalement, c'est ça que ça devait être. Ça s'éclaircit. À tes yeux, ça s'éclaircit. Tu commences à voir davantage que ce que tu veux. Au début, c'était pas ça. Mais là, il y a une crise de panique. Une crise de panique. Et par la suite, tu vas, attends. On se détend. Ça commence à prendre forme. Et finalement, j'utilise l'erreur pour faire autrement, autre chose. Et ça rend la chose encore plus unique. Et je me dis que c'est ça que ça devait être et pas l'autre. Mais avec les mots, c'est pareil. Du coup, je me dis, si ça bloque, c'est que c'est pas ça. Donc, gomme un peu là. Fais autrement comme si. En fait, les arts cèdent les uns les autres. Mais c'est en touchant plusieurs arts que tu peux arriver à maîtriser davantage les mots et la musique. En aimant la peinture, tu peux donner une couleur à tes mots. Même à la musique, tu peux même donner, si tu as une saveur. Les sens. Je suis très attachée aux sens, aux cinq sens. Et à travers ta musique de ton prochain album, c'est ça que tu veux davantage révéler? Ouais. Alors, tu es prête vraiment à t'épanouir? J'espère. À t'envoler comme le papillon? Ouais, je suis prête. Mais là, tu es rendue à combien de chansons sur ton album de préparer? Pour l'instant, c'est en cours, donc on verra. J'en ai écrit certaines et après, je me suis dit, non, finalement, celle-ci, j'en veux plus. Tu jettes beaucoup? Je jette jamais. Je jette rien. C'est un défaut, d'ailleurs. J'empile tout pendant des années. Je ne sais plus où mettre les choses. Mais je jette rien, c'est de côté. Je sais que je peux revenir dessus, voire reprendre le thème, reprendre des idées de la chanson, la faire autrement. Parce que si je l'ai faite, c'est quand même que quelque chose... Il y avait un fil à rien. Ouais. Est-ce que c'est daté? Est-ce que ton bordel est daté pour savoir « Ah, OK, ça, c'est en 2012. » Ouais, ça, c'est... j'ai tout dans la tête, en fait. Tout dans la tête? J'ai tout dans la tête. OK. Ouais. Et tu peux savoir qu'en prenant une feuille, « Ah oui, ça, c'est en 2000... Ouais. » Quelle mémoire. Ouais. Mais aussi, en lisant, tu peux aussi t'écrire en disant « Ah, à ce moment-là, je vivais ça, là, je m'en rappelle. » Ouais, parfois je me dis, je vais pas être bien. Voilà, qu'est-ce qui m'a pris? Tu t'étonnes toi-même? Je peux m'étonner parfois, pourquoi, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Et en fait, après, je retrouve, mais c'est-à-dire que j'étais vraiment dans une configuration vraiment différente pour avoir été ça. Et en me remettant dans le contexte, je peux retrouver le cheminement, mais qui est peut-être plus le même. Donc, je ne vais plus l'utiliser de cette manière-là. Ça va se mettre autrement. Ouais. Comme tu as lancé un disque, tu sais très bien comment ça fonctionne, la classification des chansons. Est-ce que pour toi, c'est un bordel? Est-ce que c'est compliqué de savoir la première du répertoire sera là? Celle-là va aller à la fin, non? Non. Parce que ça se tisse un peu comme une peinture, ça se dresse comme une peinture. Ouais. Moi, j'aime bien faire ça, au contraire. OK. Je crois que pour le premier, ça a été tellement évident. Je les écoute, je les ressens. Et tes proches aussi? Et tes proches aussi? J'aime bien faire ça seul. Okay. Après, je laisse la part. Mes proches, non, mais les équipes. Oh oui, exactement, avec qui tu travailles. Ouais. Mais. Est-ce qu'il y a pas dans ton sens? Oui, ils sont dans mon sens. ou si tu es très convaincante, c'est peut-être t'es très convaincante, donc il n'y a pas, y a pas à reposer des questions. Elle nous l'a dit comme ça, c'est clair, net, sec. C'est comme ça que ça va se présenter sur le disque. Oui, mais on est... ouais, comme c'est toi qui le défends, le disque, c'est ouais, à toi, c'est ton bébé. Mais on m'a dit aussi, les gens qui ont acheté l'album m'ont dit les chansons se suivent très bien les unes les autres. On m'a parlé de l'ordre, donc ça m'a surpris que le public me parle de l'ordre, parce que... Actuellement, on parle des chansons, etc. Mais ouais. De l'ordre des chansons, j'ai été surprise que peut-être deux fois c'est arrivé. On m'a parlé de l'ordre des chansons qui était vraiment. Et surtout que. On peut comprendre quand c'est un album conceptuel comme L'homme à tête de chou, qui est la première qui soit là, puis la deuxième, puis à la fin, ça sent. Le type est complètement cinglé, là, mais quand c'est pas vraiment le style, quand il n'y a pas une histoire aussi précise que L'homme à tête de chou, puis que le public te dit, ah ben, avec tes enchaînements, là, tu as bien réfléchi parce que ça va très bien avec. Une va très bien avec l'autre et ça s'enchaîne, ça se brode avec beauté et volupté. On ne l'a pas dit comme ça, mais, mais merci. Est-ce que c'est beaucoup de travail préparer un album? Oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et le travail, c'est aussi une grande partie de travail sur soi. Mmh. C'est plus dur. C'est le genre de psychanalyse? Ouais. Ouais. Chaque album est une psychanalyse et un reflet de ce que tu es. Je sais pas à ce point-là, mais en tout cas, il faut être bien avec soi, il faut être bien connecté avec les éléments. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Je sais que certaines personnes peuvent prendre une feuille, un crayon et tac, faire des chansons. Allez, hop, une, deux, trois, quatre la journée, mais c'est pas du tout ce que je... Après, bon, on est vraiment tous différents. Que je préconise, non, je peux pas faire ça, tout simplement, je sais pas faire ça. C'est pas ton style. Peut-être un jour, tac, une chanson arrive. C'est déjà arrivé, par exemple, Aston Martin, je l'ai écrite d'un trait, comme ça, tac. Dans l'urgence. Même pas, c'était même pas une urgence. Et, elle est sortie comme ça, ouais, hop. Donc ça peut arriver, mais c'est rare, ouais. C'est rare. Finalement, je crois que comme je laisse le temps aux choses aussi, le temps de mûrir, quand ça vient, ça vient, c'est là aussi. Alors t'es pas une fille de... Part, tu n'es pas une fille qui provoque les choses, tu laisses venir, comme disait Alain Bachon. Non, venir. Ça dépend pourquoi. Non, mais dans la musique. Dans la vie, c'est autre chose. Dans la en période de création, oui. Après, quand on n'est plus en période de création, non, je ne peux pas laisser les choses venir. Non, mais c'est ça, je te dis, dans la création, tu es plus à l'attente. Je vais chercher un peu. Quand j'ai de la matière, là, creuses, et que je sens, alors là, je vais okay. Creuser un peu. Parce qu'on peut attendre longtemps, sinon. Non. On peut aussi attendre longtemps. Donc, Est-ce que c'est douloureux, écrire quelquefois? Parfois, oui. Parce que tu découvres des cavernes secrètes à l'intérieur de toi que tu ignorais? Non, parce que ça ne sort pas. Quand tu en vis, que tu es là, que tu vas chercher les mots et qu'en fait il y a blocage et que ça ne sort pas, là c'est douloureux. Ouais. J'ai l'impression que tu n'accouches pas en fait. Ouais. Est-ce que ça te gêne? C'est douloureux. Ouais. Est-ce que ça te gêne quelquefois de chanter des chansons puisque selon toi c'est tellement intime que c'est comme si tu te dénudais devant le public? Non, si je le fais, c'est que. T'es bien avec? C'est que je suis bien avec, je le faisais pas avant, j'étais plus timide. Mais maintenant ça me... Non, si je le fais, c'est que c'est assumé. Est-ce que tu sens qu'il y a un public qui te suit tranquillement? Ouais. Ouais. Chaleureux? Chaleureux. Un public à l'écoute? Ouais. Qui sont là, dès que je passe quelque chose... Je suis plutôt dans une période discrète là. Mais dès que je poste quelque chose, ils sont là. Je reçois régulièrement des messages aussi privés. C'est bienveillant. Toujours jolies choses, ouais. Toujours bienveillant. Donc oui, ils sont là. C'est encourageant. C'est encourageant. Ouais. Est-ce que tu veux vivre souvent des choses pour pouvoir provoquer la création? Ou si tout est en toi? Ah non, ça marche pas ça, je crois pas. Non, on est obligé de vivre. Tu veux vivre? Mais c'est pas vouloir, c'est que de toute façon, ce qu'on vit fait écho à des choses qui sont en nous. Parfois ça les réveille, parfois ça les révèle. Mémoire qui flanche. blouse de toi, j'ai la blouse de toi. J'enlève ma robe du dimanche avant de monter sur ta planche. J'ai la blouse de toi, j'ai la blouse de toi. Tu me palpes et je me dégrafe, je sens tes doigts sous l'échographe. Dans le corps et plus d'amour, c'est sûr, je reviens. J'ai les mots qu'il faut. Fais-moi la peau, je vais perdre les os. J'ai un petit dans le dos. J'ai la blouse de toi, j'ai la blouse de toi. J'enlève ma robe du dimanche avant de monter sur ta planche. J'ai la blouse de toi, j'ai la blouse de toi. Tu me palpes et je me dégrafe, je sens tes doigts sous l'échographe. J'enlève ma robe, tu me dégrafes, je sens tes doigts. 2, 3, j'ai la blouse de toi, j'ai la blouse de toi. J'enlève ma robe du dimanche avant de monter sur ta planche. J'ai la blouse de toi, j'ai la blouse de toi. Tu me palpes et je me dégrafe, je sens tes doigts sous l'échographe. Dessous tes mains, j'ai la mémoire qui flanche. Mais si on vit pas, si on ne vit pas, on ne peut pas écrire. J'avais commencé une question. À moins de rester dans son salon et de faire une chanson sur tout ce qui nous entoure, donc d'avoir un album salon. Mais je ne sais pas si on peut faire un album de ça. L'intérêt. La nuit, le jour, faire une version différente. Ouais. Je sais pas, peut-être, mais bon. Mais c'est pas ton cas, toi tu sens pas. Ouais. J'avais commencé une question, mais je l'avais esquivé, donc j'y reviens. Est-ce qu'il y a des chansons que tu fais qui te surprennent et que tu te dis, hey, mais c'est moi qui l'ai. Ouais. Ouais. Ça arrive. Et comment tu te sens? Essaye d'analyser ton texte par ça. Super bien, super heureuse. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Ouais, ouais, quand ça arrive, je suis super heureuse. Mission je me sens accomplie. Légère. C'est ouais. Ça, mission accomplie. Ouais, ouais. Mission accomplie, je me sens légère, je me sens en parfait endroit avec moi-même. Est-ce que ça arrive souvent? Non. Alors, c'est une magie, c'est la magie qui s'opère. Ouais. Et tu essayes de le recréer souvent aussi? Ah, j'aimerais, j'essaye, ouais. Mais il n'y a pas de recette. Pas de recette. C'est ça. Heureusement qu'il n'y a pas de recette, parce que ce serait. C'est la bonne phrase, la bonne idée, avec le bon timing, les bons ressentis au bon moment. C'est à mélanger tout tellement de choses. Tout était dans l'axe pour faire quelque chose. Oui, c'est ça. Es-tu c'est plus ça. Dans l'écriture le jour, le soir, la nuit, et dans la musique le jour, à des moments différents, ou tu essayes de communiquer tous ensemble? Il y en a qui sont plus à l'aise quand la le nuit soir, tombe. Le soir, oui. La tranquillité. J'aime bien ouais, la fin de journée. Quand les enfants dorment ou... Quand les enfants dorment, quand je suis seule aussi, parce que je ne sais pas tout le temps. J'aime bien la... Mais par contre, quand je suis dedans, après je peux le reprendre le lendemain, n'importe quand. J'ai hâte de me lever, je me lève pour ça, je vis pour ça. Tu l'as mis de côté, mais je te reviens. C'est un moment où je peux dormir aussi, et puis par contre... je ne m'endors pas tant que je n'ai pas accompli au moins... peux pas me coucher entre deux comme ça. Même si c'est pas fini, je peux aller me coucher, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Il faut que le noyau soit, soit solide, qu'il se tienne. Ouais, pardon. Non, c'est pas grave. Est-ce que ça t'arrive? Oui, vas-y. Et par contre, dès que je me réveille, c'est ça qui m'anime, donc j'y retourne tout de suite. Je peux. Et tu es déçu? Je peux passer des jours. Quand tu iras bien? Non. Déçu. Alors là, tu l'as le noyau, donc tu as dormi, tu as cogité et tu te réveilles, tu es fraîche, tu es encore dans le rêve. Tu l'utilises pour élargir ce qui t'a animé au début? Ben là, c'est vraiment le moment où l'inspiration est là, quoi. Ah, oui. Vraiment là, donc faut pas le laisser passer. Ce moment-là, c'est magique. C'est ça. Parce que l'inspiration est là et puis tu en fais quelque chose. Parfois elle est là et tu peux pas, il n'y a pas un mot qui sort. Hein. Et parfois tu as envie, tu as des idées, tu écris, mais le reste ne vient pas parce que tu n'es pas inspiré. C'est très frustrant. Ouais. Donc quand tout est là en même temps, quand tout est fertile, c'est magnifique. On en profite, là, oui. Ça va mettre au monde une musique et une chanson donc, qui sera peut-être sur la pastille. Est-ce que ça t'angoisse beaucoup le fait de savoir que tu vas sortir un disque et que tu dois créer? Oui. Ouais, plusieurs me disent ça, c'est quand même une pression. tu donnes une pression. Oui, mais c'est ridicule. Je crois qu'on ne devrait pas se mettre la pression. Ça vient quand ça vient, c'est fini quand c'est fini. Mais parce qu'en fait, je crois qu'on est tous un peu pressés. Tant j'ai le sentiment de prendre mon temps. Mais. En fait, on peut prendre son temps. Ça. Prendre son temps, c'est pas perdre son temps. C'est deux choses différentes. On peut prendre son temps. Le perdre, non, je n'ai pas le droit de perdre mon temps, mais le prendre, oui. Mais je crois qu'il y a toujours cette urgence d'être sur scène, de dévoiler, de chanter, de dire ce qu'on a à dire. Parce que quand on l'écrit, ben, on a envie de dire, on a envie de chanter. Donc, on n'a pas envie d'attendre un an ou deux avant de. On a envie, mais oui, c'est ça. Mais. On ne peut pas en faire 12 d'un coup, ce n'est pas possible. Donc effectivement, ça met un stress. Mais il faut le gérer. Est-ce que c'est un stress qui te motive ou un stress qui t'écrase? Ça dépend. Ça écrase plutôt. Ouais. Ça freine? Oui. Ouais. Oh non, l'intuition. C'est plutôt un stress qui freine, donc il faut le gérer. Il faut apprendre à le gérer, à relativiser le temps. Veux-tu les faire vivre avant sur scène? Je sais pas, j'ai pas de. Rien n'est défini, on verra comment ça se passe en fait. Tu le fais écouter à tes proches? Ouais, je fais écouter à quelques personnes. Dans la musique, à des professionnels. Mes proches, oui, mais vraiment très très très proches. Mmh. Et donc on verra parce que autant ça plaît à quelqu'un et puis il se passe quelque chose avant que tu la défendes sur scène, autant il se passe rien, donc bah, tu te dis ben, je vais au moins aller la défendre sur scène. Moi je sais pas, il n'y a pas de règle, mm-hmm. On verra. Et est-ce que tu fais confiance à la même clique de ton premier album ou si tu veux changer diamètre? Alors c'est pas une histoire de confiance, j'ai totalement confiance en ma clique de mon premier album. Mais c'est juste que je fais autre chose et que. Donc j'ai envie de faire autrement, oui, avec d'autres personnes. Et puis, bon, moi, ce n'est pas impossible que je retravaille sur une chanson ou deux avec quelques personnes avec de ma clique, c'est comme les amis, c'est selon l'état dans lequel on est, on va prendre un verre ou on va voir telle personne et pas une autre, c'est pas pour rien. Donc ça dépend du ressenti que tu veux donner à ton disque. Comme tu les connais un peu, tu sais que si tu fais appel à quelques personnes, tu vas avoir un son qui va aller dans un sens, tandis que si tu fais appel à d'autres personnes, ça risque de tourner dans une autre direction. Ouais, un son, un feeling, une mélodie. Donc j'ai envie, de toute façon j'ai envie d'aller vers autre chose, donc complètement. Donc ça amène aussi de travailler avec d'autres personnes. Et moi j'adore les rencontres, j'adore aller vers les gens, les rencontrer. Donc. As-tu plus de musique de près pour ton album ou de paroles? Est-ce que tu as de la musique de côté? J'ai plus de mots, plus de paroles prêtes. Mais je suis jamais inquiète pour la musique parce que je sais qu'elle vient. Elle vient plus facilement. Hyper facilement. En fait, une fois que tout est là, ça vient. Le plus dur, c'est les mots. Ouais. une fois que le déblocage est fait, oui. que la narration est là, que ton... que ta vision de la chanson prend forme à travers les mots, la musique va accoucher. Mm. Va habiller les paroles. Mm. Est-ce que ça te surprend souvent la musique que tu places sur certains mots? Est-ce que es-tu étonné? Parfois, il y a des jolies surprises. Ah ouais, j'aurais pas pensé faire ça. Et... Fonctionnes-tu sur la ritournelle? Une genre de petite mélopée qui revient durant toute la chanson? Ou si tu veux pas vraiment fonctionner comme ça? Mais j'ai des structures déjà assez... strictes? Assez simples, en fait. Assez simples, OK. Je crois que je fais souvent couplet, refrain... Ouais. Refrain, mais as-tu un genre de gimmick, non, ça... trois, quatre notes là, qui reviennent souvent pour... Non. Non? Je crois pas. En fait, la seule chanson où on m'a parlé de ritournelle, c'est une que j'ai pas faite. On me dit, il y a une jolie ritournelle, c'est celle de Pierre Souchon. Autrement, on m'a jamais parlé de ritournelle avec mes mélodies. Mais laquelle est-ce que... Non, je te lance ça. Non, mais laquelle est-ce, le titre de chanson. Ah, laquelle est-ce, ok. Bon, la mélodie a été faite par Pierre Souchon. Ça, c'est une ritournelle, oui. Okay. Donc ça, c'est ouais, une ritournelle. Et ça, on m'a parlé de cette ritournelle et utilisé le mot ritournelle, mais c'était pas une de mes chansons. Ok. Donc je crois pas que je fasse des ritournelles. Ok. Toi, c'est peut-être que j'ai des ritournelles. Tu travailles plus dans le fait d'habiller tes textes. Oui. Attendez, on va aller s'asseoir. C'est vraiment pas très agréable. Oui. Et tu choisis la couleur des vêtements. Oui. C'est ça, c'est comme du stylisme. Mais la version studio puis la version concert, ça se modifie? C'est pas la même chose? Ou si tu veux vraiment que ce soit un décalque? Ça dépend. C'est-à-dire que dans cet album-là, c'était quand même très... Il y avait beaucoup, beaucoup de sons. C'est pas du tout d'électro, hein, mais il y a quand même beaucoup de sons électroniques. Ouais. Donc si je veux faire... si je veux reproduire l'album, on est obligé de réutiliser les sons. Donc c'était assez proche sur scène. Et puis j'ai aussi fait pas mal finalement de concerts acoustiques. Okay. Et ces derniers temps, les derniers mois, j'ai tout repris au piano. Okay. Donc, il n'y a pas du tout de piano dans l'album, à part sur Marée Basse. Et un peu sur la calesse. Et on a tout retranscrit avec mon pianiste au piano et on a fait piano-voix. Alors le prochain spectacle, ce sera avec un piano. Oui. Ce sera pianistique. Et moins guitaristique. Oui. Donc ça va donner une autre enveloppe, comme je te disais tout à l'heure, pour le jazz, et c'est ce que tu veux. Mais à travers le jazz, est-ce que tu vas laisser la place à l'improvisation ou tu veux, comme je te le mentionnais... Ouais, on va laisser la place à l'improvisation. T'es assez... T'es assez ouverte à tout ça, à te lancer, parce qu'une improvisation, c'est quand même un risque. C'est sauter en bungee en voulant pas que l'élastique casse quand même. Ouais, mais ça se prête aussi à ce genre de chanson. Olden days, the olden days sont des mystères, les tiens devant, les miens derrière. C'est rien, à vide, à nos vies. Prends-moi la main. On se dit les mêmes mots, mais on se comprend pas. Olden days, olden days. Au fond, on est pareil, toi et moi. Olden days, olden days. Les olden days nous envisagent, y'a que la manche qui nous partage. Oh, juste un langage gestuel. Ou soutenu, c'est rien, mais pourvu qu'on soit bien. Prends-moi la main. On se dit les mêmes mots, mais on ne se comprend pas. Olden days, olden days. Au fond, on est pareil, toi et moi. Olden days, olden days. On se dit les mêmes mots, mais beauty is not a fool. Don't be afraid, don't be a fool. Oh, all the days, oh, all the days, oh. Dans le public aussi, c'est le public qui fait en sorte que tu pars ou tu pars pas dans, ouais. dans un... Oui, puis tu le sens, enfin, tu c'est gouverné, c'est comme avoir un, être en mer et gouverner. As-tu remarqué que dans la façon dont tu t'appropries la chanson, lorsque tu chantes, tu rentres dans une certaine transe? As-tu remarqué cette transe-là? T'es non, habité vous avez par remarqué tes mots, ma par ta musique. Non, vous avez tu as remarqué ma ouais, transe, ouais, toi? Ouais. Toi, non? Non. OK. Alors, c'est, toi, c'est bien carré, tu... Non, mais c'est vrai que parfois, je vois des photos où je lis les commentaires. Oui, oui, oui. Le visage, hein? Ouais, c'est vrai qu'il y a des jolies choses. Mais c'est pas vrai. Eh bien, je le ressens pas, en fait. Moi. OK. Alors, je pense que je suis alors, c'est ta façon animée, de chanter. Animée par mes chansons, oui, donc... Non, mais une transe, j'entends le fait que tu peux t'en aller, tu peux laisser prise, lâcher prise. Non. Non? Pas encore? Ah. Ou pas du tout? Non. Mais parce que les photos semblent laisser présager ça. Un certain oui, laisser-aller. Je pense qu'elle est maîtrisée. Hein. OK, pas, ouais, c'est ça, t'es pas... Ouais. Je suis obligée de... Je peux pas non plus partir et laisser mes musiciens en plan. Mmh. Ouais. Peut-être plus dans le deuxième album, lorsque tu vas faire des solos au piano. Ouais. Tu vas partir avec la musique, tu vas... On verra. Ouais. On verra. On verra vers où nous amène ouais, la ça. Musique. Ouais. Est-ce que le son plus jazzé a été déterminé au début de l'album ou ça s'est tranquillement tissé et tu voyais de poindre quelques... Ça s'est déterminé au début. C'est ce que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et que tu as mis de côté parce que tu n'étais pas prête. C'est ce que je faisais beaucoup avant. Mais tu n'étais pas prête ou surtout, on m'a beaucoup dit dans les maisons disques, on ne peut pas faire ça, tout le monde s'en fout. Ah, tu as une maison disque? Non, mais dans les maisons okay, disques okay. que j'allais voir, ouais. tout le monde s'en fout. Enfin, c'est pas du tout... Et à un moment, j'en ai marre de, faire, de devoir faire... Puisque de toute façon, quoi que tu fasses... On ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, et quoi que tu fasses, il y a toujours quelque chose à redire. D'un moment, j'ai vraiment envie de le faire. C'est vraiment le bon moment. Je suis très contente de l'album précédent. Et à un moment, j'ai ressenti que c'est bon, il fallait l'arrêter. Je propose un petit stand. Et se mettre à autre chose. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce disque-là, que l'autre ne dit pas? Ah, ça rejoint un peu les thèmes. Hein. L'amour, oui. Oui, ça parle d'amour, ça parle... de voyage. Ah, c'est ce que tu disais. Ouais, bah oui, mais parce que l'amour est un voyage et, et l'inverse aussi. Et on connaît pas le chemin, et heureusement, sinon... J'ai envie que ce soit... Ouais, et j'ai envie que ce soit... Tout est voyage, hein, ouais. Une relation est un voyage. Et j'ai envie aussi d'être vraiment emprunt... Est-ce que des années, la fille que ce soit emprunt à la nature, qui est de la matière, qu'on sente les éléments, vraiment les éléments naturels, qui fassent écho aux mots. Aux mots et à la musique. J'ai 10 questions et j'ai hâte d'avoir où ça va nous mener. Tu vois, c'est rigolo, c'est pas compliqué, on se prend pas la tête. Allez. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. De l'eau. De l'eau. Non. De l'eau du robinet ou l'eau de la mer? Peut-être même pas de l'eau de la mer, non, l'eau de ruisseau. De ruisseau? Oui. Si tu étais une ville. Une ville? Mmh. Ah, mais d'accord. Londres. Londres? Est-ce que tu y vas souvent? J'ai vécu à Londres. T'as vécu combien de temps? J'ai vécu un an et demi là-bas, et puis j'y retourne régulièrement. Dans le... J'ai besoin d'y retourner. Pour la musique ou pour visiter? Pour moi. Pour toi? Ouais. Je sens une connexion très forte à Londres. Ok. À Londres. Voilà. Et tu parles italien et anglais? Je parle bien anglais, oui. Un petit peu, oui. Très bien. Ouais. Ouais. Si tu étais une époque? Je crois que je serais... le Moyen Âge. Avec tout le bien et le mal de cette époque. Si tu étais... C'est une grande, grande époque. Hein. Ouais, ouais, après ouais, te ouais. dire à quel moment du Moyen Âge, je ne peux pas préciser, mais le Moyen Âge. Ouais. Si tu étais un mot. Affinité. Mmh. Avec tout. Si tu étais un aliment. Un aliment. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Ça, c'est une bonne question. Je serais un fruit ou un légume, ça c'est sûr. T'es végétarienne? Non, mais je mange très très peu de viande. Pas toutes les viandes. Et puis. J'aime les fruits et légumes. Enfin, c'est naturel, j'aime manger ce qui est naturel. Donc, pour en revenir à cette belle question, si j'étais un aliment... Ah, j'ai le droit d'être longue comme ça ah, ou pas? Oui, bah oui, il faut se placer. Attends, t'imagines pas, à la fois j'ai pas envie d'être un légume, okay. l'idée me déplaît. Ouais. Là, ma tête des choux, ça a déjà été fait. Ouais. Un fruit, allez, un bon fruit, je veux bien être un bon fruit. Ok, lequel? Lequel? Allez, une mûre. Une mûre? Allez, hop. C'est vrai. Mmh. C'est rafraîchissant. Ouais. Si tu étais une saison? L'été. Ah oui? Tu supportes bien la chaleur? Si tu étais un membre corporel? Une main. C'est bien pour jouer du piano et écrire et serrer la main et le côté humaniste aussi, hein, c'est quand même... Si tu étais un moment de la journée? Le matin. Très tôt? Assez tôt. C'est quelle heure pour toi? C'est très tôt? Assez tôt. C'est top, c'est top. 7 heures. 7 heures? Si tu étais un autre individu? Alors là, c'est la dernière question? Non. Ouais. L'avant-dernière. Si j'étais quelqu'un d'autre? Je pense que j'ai déjà été quelqu'un d'autre. Ah oui? Tu crois à la réincarnation? Oui. Donc, si j'étais quelqu'un d'autre, je sais pas, un personnage grec, probablement un personnage grec, ou je sais pas, la Joconde. Oh! Oh! On peut l'admirer encore aujourd'hui, donc ça doit être aussi... À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Alors ça, c'est vraiment une question difficile, une vraie question. Est-ce qu'on ferait le même chemin? Je lisais, peut-être hier ou avant-hier, une phrase de je ne sais plus qui disait, si c'était à refaire, je le referai, je revivrai la même chose, mais j'ouvrirai les yeux plus tôt. Est-ce que je referai la même chose? Disons qu'on ne fait pas tout ce qu'on a envie. Parfois, on ne vit pas tout ce qu'on... On doit vivre. On vit des choses qu'on ne devrait pas vivre aussi. Donc j'aimerais bien les éviter, ces choses-là. Mais à la fois, ça fait son parcours, ça fait son chemin. Ça fait ce que l'on est. Ça fait ce que l'on est. Donc, allez, tant qu'à être dans ce monde-là, bah oui, si je vais le refaire, je le referai en tout cas. Parce que je trouve que c'est un cadeau de vivre cette expérience, de faire partie de l'histoire. Parce qu'on est là un temps court, limité, et quelque part, je préfère être là, faire partie du jeu, que de ne pas y être. Donc, allez, je re-signe. As-tu fixé un moment pour ton disque? As-tu une idée à quel moment ça risque de sortir? Ou il sortira quand tu seras prêt? Je n'en suis pas là. J'aimerais bien, idéalement, qu'avant la fin de l'année, il se passe quelque chose. Oh! Il ne reste que 6 mois, 5 mois? Oui. Mais après, on n'est pas obligé d'avoir fini l'album pour commencer. Hein. Mm. L'album peut venir après. Donc tout dépend de la manière dont ça se fait. Soit monter sur scène et faire un disque, un début. Oui, voilà. Autrement... dans l'année, en tout cas, ça c'est sûr. Tu veux qu'il se passe quelque chose là, au niveau artistique là, avant 2020? Mmh. Ouais, mais c'est the way it is. c'est même pas que je le veux, c'est que... Pardon. C'est pas grave. De te cogner. Non, c'est des grandes jambes, alors... Ben oui, il n'y a aucun problème, tu sais. Donc, oui, il va se passer quelque chose, bientôt. Eh bien, je te le souhaite. Merci. Puis, merci d'avoir passé à mon émission. Avec plaisir. Et je suis ravie. Je ne sais pas comment tu m'as découvert. Par des amis que l'on a... en liaison. Donc, je vais terminer avec ça parce que je vais fermer mes micros. Je dis souvent à la revoyure. Donc, on se reverra incessamment lorsque ta pastille sortira, lorsque ton CD sortira. Et si j'ai la chance de te voir l'année prochaine, même date, en spectacle, ce sera avec grand plaisir. Mais moi aussi, avec grand plaisir. J'espère que tu viendras. J'espère avoir l'occasion aussi de jouer au Québec. J'aimerais beaucoup. Vraiment, je me suis dit, oh, mais quelle belle idée. Mm-hmm. J'espère que les auditeurs apprécieront, iront découvrir. Je t'en dirai. Je t'enverrai le compte. J'aimerais vraiment venir jouer là-bas. Je prendrai sur moi pour le froid. Ouais. Ben non, mais tu n'as pas à venir au mois de janvier, tu peux venir au mois de juillet, il y a des festivals, c'est merveilleux, le festival d'été. Puis il y a le festival Off aussi qui donne la chance à la musique plus underground de s'exprimer, moins commerciale. Donc, ce n'est qu'à partir. As-tu un tourneur? Non, pas vraiment. Non, je suis en train de voir là. Il y a des équipes qui sont en train de se former, donc, donc c'est bien. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, toujours. Alors, à la revoyure et merci d'avoir passé à mon émission. Merci à toi, avec plaisir. Je te téléphone près du métro Rome. Paris sous la pluie me lasse et m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Car il pleut toujours sur le Luxembourg. Y'a d'autres jardins pour parler d'amour. Y'a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon. Sous la grande horloge, tu sais, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri-la-Belle. Pour Capri-la-Belle avant la saison. Viens voir l'Italie, comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons. Viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment. À Capri-la-Belle en toute saison. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante Barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs. Pour parler d'amour à voix de velours. Taxi,